Blackmo. Mets les jumelles sur l'horizon, là. Ouais, voilà. Parce que là, je crois qu'il y en a qui vont avoir le mal de mer. À bord du navire 333. Pas de Kaira, rien que des soldats. Ouais, à Doc mène la barre aujourd'hui. PHILO, le philosophe, ainsi que Majong. À Doc moins un, tu ménages à trois, gros. Et confiance seulement. C'est JK qui me dit ça. Ah, conseil de frère. Doc mène la barre. Dans un bateau à contre-courant, qui n'avance pas, recule. Doc moins un. Bord du Kaira 333. À Doc mène la barre, mais le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mais le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, largue les amarres sur Paris. À bord du métro, je suis en fraude à contrôleur et je fuis. Jette l'ancre à Châtelet, des Kaira, c'est la base. Je constate que des biatchs en classe gaz et j'enrage. Changement de cap, je veux des belles et vraies demoiselles. J'en braque pendant que les touristes matent la tour Eiffel. Pain de loup ou besoin de plats africains. À Doc se foufile la barbesse, non comme un poisson, mais comme il convient. Sayonara, ah, quelle langue il parle. Ouais, c'est une belle ville, bon, je mange mon pâté impérial. Ensuite, je m'introduis au puce, acheter de la sape. Une femme en fuite, crie. Qu'on lui a volé son sac. Yo, je vire de bord, ça ne sont pas bons ici. Direction Gare du Nord, ce soir on sort avec le possi. La capitale regorge de lieux splendides et sordides. Bonne journée, cher Candide, je t'ai servi de guide. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. Mystique et Paris, la nuit, certains quartiers s'ennuient. La nuit, mais d'autres sont submergés de bruit. Des rendez-vous sont fixés, une soirée mouvementée s'annonce. Aujourd'hui, tous les bad boys et les tops sont présents. À présent, comme d'habitude, un problème, il se pose derrière. Une voix retentit, mon pro, si elle a à mon pro, si est roi, faites place. Sinon, on vous menace, car de vous, on se lasse. Clac, prends ça dans ta face. Aussitôt, une bagarre se déclenche, déjà vu, c'est Warriors, la revanche, ouf, un souffle. Je mets la tête dehors, mais je suis hors de moi quand je vois tous ces clochards cherchant l'or de leur nuit, la chaleur. Quel monde de malheur, la ville est en pleurs. Eh oui, c'est comme ça Paris la nuit, soit tu vis ou tu survis. Mais qui t'a dit que Paris était le paradis sur terre? Respire, soupire, tu n'as pas encore vu le pire. La bonne bombe tombe, devant ce son tu succombes. Guette l'hécatombe, Philo et Majong pour toi. Guette l'hécatombe, car Paname n'est pas ce que tu crois. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. Dans la capitale, c'est capital. Chacun a son business, business honnête ou malhonnête. Tout à chacun qui décide. Le principal, comme dirait R, c'est de se débrouiller pour vivre. Quand tu deals dans la ville, vigilance oblige. Ne sois pas con, te laisse pas prendre. Sois donc plus que costaud. Tu sais qu'il y aura toujours des citadins pour vouloir ta peau. On dit qu'à Paris, y a beaucoup de monuments. Moi, je vois beaucoup plus de flics qu'autre chose en ce moment. Toi là-bas, sur le continent, si tu veux bien, mais la vie n'est pas si facile. On te prévient. Dernière chose, être poli ici n'est pas une honte. Quand même, c'est pas une raison pour te laisser marcher sur les tongs. Majong, Majong ne met pas de tongs. D'après la philosophie de Philo et de Majong, si tu te fais piétiner une fois, personne n'aura plus foi en toi. Réveille-toi, la vie est devant toi. Pèse le pour et le contre de cette histoire. Sinon tu vas échouer. On dit que la vie appartient à celui qui se lève tôt. Mais moi je dis qu'elle est à ce qu'elle a la plus grosse mâchoire. Paris dans la pénombre, tout le monde est dans le monde. Ce que je crois sont introvertis. Ce qui fait que dans les rues les gens sont flappy. Pauvres de nous, réveillons-nous. Pauvres de nous, réveillons-nous. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. À Doc mène la barre, mets le cap sur Paris. Larguez les amarres, nous glissons sur le parvis. les amas, nous glissons sur le parvis.